Chapitre 9e. Pérez avait passé un chemisier blanc, classique, bien coupé, bâillant opportunément sur la naissance de ses seins. Son pantalon noir, moulant, lui allait à ravir et les escarpins ajoutaient une note sexy à l'ensemble. Elle se détaille avec satisfaction devant son miroir et passa une alliance à son doigt, question de provocation, pour voir jusqu'où Canéparo était prêt à aller. Elle partit confiante et pénétra 20 heures précises dans le restaurant. Berthaud était déjà attablé avec son épouse et tous deux prenaient l'apéro. Elle passa devant eux avec un léger mouvement de tête pour leur montrer qu'elle les avait remarqués et aperçut immédiatement Canéparo esselé à une table à l'écart. D'habitude, les jolies femmes se font toujours attendre, mais vous êtes d'une ponctualité toute professionnelle, lui dit Canéparo. Il s'était levé et lui avança sa chaise avec déférence. Il eut un petit temps mort pendant lequel Pérez se laissa détailler par les yeux bleus très clairs de Canéparo, en regardant la ronde négligemment. Puis elle reporta son regard sur Canéparo et lui sourit. « C'est gentil d'être venu, » murmura-t-il en lui effleurant la main. « Simple politesse. J'ai cru comprendre que cela vous faisait plaisir. Et votre mari, que va-t-il dire ?»« Tiens, » se dit-elle, de toute évidence, il a bien une idée derrière la tête. Elle le tranquillisa en lui apprenant qu'elle était divorcée depuis peu et qu'elle n'avait pas pensé enlever son alliance. La conversation démarra sur un Zilouti dont la mort les avait fait se rencontrer. « Vous vous connaissiez déjà en Italie, n'est-ce pas ?»« Non. Nous nous sommes connus dans le train de Gênes. Comme nous étions de la même région d'Italie, nous avons fraternisé. Nous partions tous les deux pour les mêmes raisons. » Et Canéparo fit le geste de porter de la nourriture à sa bouche. « Vous étiez de la province de Naples, c'est ça ?»« Oui. Un Zilouti de Torre Annunziata et moi d'Afragola, en Campanie. En fait, ce sont deux patelins assez voisins, et c'est ce qui nous a rapprochés aussi. Et c'est dans le train que vous avez décidé de vous associer? Pas du tout. Moi, j'avais dans l'idée de monter sur Paris. Je croyais que j'allais casser la baraque, comme si on m'attendait. Vous parlez. Je n'ai rien trouvé de mieux qu'un boulot en usine. Quant à Anzi, il voulait fonder un atelier ou un petit commerce dans une petite ville tranquille. Il s'est arrêté à Aix et vous connaissez la suite. Pas précisément, non. C'est lui qui vous a demandé de venir à Aix. Il vous a dit qu'il y avait du boulot. Canéparo se mit à rire en écartant les mains en signe d'impuissance. « Ma !» dit-il, « c'est le hasard, la destinée. Ma voiture est tombée en panne, juste devant son garage. C'est difficile à croire, hein, et pourtant je vous le jure sur la tête de ma pauvre mère. Vous l'avez toujours, votre mère ? Non, elle est morte, la pauvre, mais c'est une façon de parler. Vous n'avez aucune famille en France ? Non, Michel. Vous permettez que je vous appelle Michel ? » Pérez acquiesça de la tête et reprit. « Oui, je vous appellerai Biagio. »« Et en Italie, qui vous reste-t-il »« Plus personne, malheureusement. »« Comme Anzilouti, alors ?»« Eh oui, nous sommes, enfin nous étions, deux pauvres orphelins, » fit-il dans un sourire. Tout en parlant, Pérez scrutait le visage de Canéparo. Il avait énormément de charme et c'était sa voix qui l'électrisait. Une voix grave, avec beaucoup de profondeur et une pointe d'accent pour pimenter l'ensemble. Il donnait l'impression d'être calme, détendu, sans appréhension, heureux de vivre. Son regard chaud enveloppait Michel comme s'il l'avait tenu dans ses bras. Elle décida de faire diversion. « Vous saviez qu'Anna avait porté plainte pour empoisonnement ?»« Oui, son frère me l'a dit. Mais je crois qu'elle se fait des idées. J'ai bien pris la chose, mais j'étais un peu vexé. Aller raconter que chez moi on empoisonne les gens, c'est presque de la diffamation. Vous la connaissez bien. Vous avez été son amant, non ?»« Ah ?» Ça aussi, vous le savez. C'était difficile de lui résister il y a quelques années en arrière. Quand elle avait une chose en tête, il fallait qu'elle y arrive. Pérez, espiègle, lui glissa. C'était peut-être difficile aussi de vous résister. Canéparo ne dit rien, mais baissa les yeux. Son baromètre intérieur venait de se mettre au beau. La conversation continua sur les mondanités habituelles, les goûts musicaux, les voyages, le cinéma et même la pêche. Canéparo fut surpris d'apprendre que la Palamoule n'avait pas de secret pour Pérez. Il promit avec enthousiasme de l'emmener à la pêche sur son bateau. Des plaisirs halieutiques en avaient à la chasse, hobby que Pérez ne goûtait guère. Canéparo reconnut que c'était surtout les armes qui l'intéressaient. Il était fier de celles qu'il possédait, mais cela faisait un bout de temps qu'il ne s'en était pas servi. Comme s'il surfait sur une vague, il enchaîna tout de suite sur un autre sujet. « J'adore aussi les voitures. » Surtout les sportives anglaises. Je n'en ai plus car pour les faire réparer, c'était toute une histoire. Je me console avec les photos, dit-il avec de la nostalgie dans la voix. Mais il ne faut pas s'attacher aux choses. Il vaut mieux s'attacher aux êtres. Comme à vous, par exemple. C'est gentil, dit-elle en baissant les yeux. À ce moment, son portable se mit à vibrer sur la table. Elle pâlit en lisant le nom du correspondant, Volpi. Aussitôt, une décharge d'adrénaline parcourut ses veines. « Allô ? » fit-il sans se présenter. « Je vous appelle maintenant parce que si vous n'aviez pas décroché, j'aurais su que vous ne vouliez pas me parler. Et puis, je suis sûr de ne pas vous réveiller. » « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? » balbutia-t-elle. « Comment je sais que je ne peux pas vous réveiller ? » ?»« Parce que je vous vois. Vous êtes rayonnante. Je suis sur la terrasse couverte avec mon épouse. » Comme Pérez ne répondait rien, tétanisé, Volpi continua. « Il y a Berthaud aussi, vous l'avez vu ? À croire que tout le central s'est donné rendez-vous ici ce soir. » Pérez faillit se pâmer. Quelqu'un avait dû cafeter, c'était certain. Berthaud, impensable. Il ne restait plus que Djedjiga. Elle réussit enfin à articuler une phrase. « Que puis-je pour vous, commissaire ? » ?»« Demain matin, à la première heure, perquise en règle, domicile de Canéparo. » Il y aura une équipe de la scientifique. Il faudra passer toute la baraque au peigne fin. C'est ce que je comptais faire, commissaire. Oui, eh bien, nous allons le faire. Ah, et puis je ne me serais pas permis de vous appeler à pareille heure, mais je sais que vous n'êtes pas couché. Joli votre chemisier et le maquillage. La classe. Pérez fit mine de tourner la tête en se préparant à se lever. Non, ne vous retournez pas, ne bougez pas. Je suis derrière la vitre. Ah, autre chose. Il a beaucoup de classe, ce monsieur qui dîne avec vous. On dirait un vieil Italien, un peu âgé pour vous, peut-être. Il me semble le reconnaître. Vous faites des heures sup, Pérez. Et là-dessus, il raccrocha. Lentement, son regard fit le tour de la salle et elle découvrit le commissaire effectivement derrière une vitre, accompagné de sa splendide épouse. Ils avaient dû entrer par une autre porte. Il lui fit un petit bonjour espiègle de la main, juste avec deux doigts. Puis, comme médusée, elle le regardait toujours. Il pendit son doigt comme pour promettre une punition. Elle eut une autre poussée d'adrénaline et chercha Berthaud des yeux. Il mangeait tranquillement avec son épouse et d'où il était, il ne pouvait pas voir le commissaire. Il était impossible qu'il l'ait trahi. Ce coup-là se paierait cher. Qu'est-ce qu'avait voulu dire Volpi avec les heures sup? Il avait tellement l'habitude de se moquer du monde et surtout d'elle-même qu'il avait bien sûr reconnu Canéparo. Peut-être Volpi avait-il seulement lancé une vanne signifiant qu'elle se faisait draguer par un vieux? Mais pourquoi Volpi était-il là, ce soir, justement? De toute façon, puisqu'il était témoin de l'entrevue, autant attaquer franchement avec Canéparo, sans lui dire que le lendemain sa maison serait mise sens dessus-dessous. Elle pourrait ainsi justifier de l'opportunité de son rendez-vous. Biagio, vous m'avez dit tout à l'heure que cela faisait longtemps que vous n'aviez pas tiré avec vos armes. Oui, c'est exact, répondit-il soudain sérieux. Pour l'instant, on n'a trouvé que vos empreintes sur cette arme. Mais c'est évident, puisque je l'ai manipulée pour vous montrer comment elle se montait. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait d'autres empreintes que les miennes? Je suis le seul à me servir de mes armes. Ces choses-là, c'est un peu comme les femmes, ça ne se prête pas. Pérez avait peur d'en dire trop, et il ne dit pas qu'on n'avait aucun doute sur la provenance des projectiles retrouvés. Mais Biagio était bien plus fin que ce que le croyait Pérez. Capitaine, dit-il avec un vague sourire, « je sens dans votre ton comme des soupçons. Je ne vous accuse pas, Biagio. Vous êtes présumé innocent. Je cherche seulement à comprendre. Et vous aussi, vous devriez essayer de comprendre. Les faits sont là. Il faut leur trouver une explication. » Canéparo faisait nerveusement des petites admiettes sur la table. « Je n'ai pas d'explication, Michel. Vous me croyez au moins. Vous semblez sûr d'entendre que c'est mon arme qui pourrait avoir servi à tuer Hanzi. Non. Ne vous inquiétez pas, Biagio. Pour l'instant, il n'y a rien de certain. » L'analyse est en cours. Elle se sentit obligée de balancer un gros mensonge pour noyer le poisson. Vous savez, les munitions que vous utilisez ne sont pas si rares que ça. Nous verrons bien. Ne vous alarmez pas déjà. Puis d'un ton très rassurant, elle lui dit avec un grand sourire. De toute façon, Biagio, vous n'avez rien à vous reprocher, non? Pérez ne le quittait pas des yeux et cherchait à capter son regard. Elle y réussit et ils se regardèrent longuement jusqu'au fond des yeux. Le regard de Biagio était devenu froid. Plus que contrarié, il semblait déçu que la soirée se termine ainsi. Quant à Pérez, elle se dit qu'il fallait rattraper les pédales. « On vous a donné des informations dans le coup de fil que vous avez reçu tout à l'heure ?» demanda-t-il d'un ton plein d'amertume. « Non, mentit-elle, ça concerne une autre affaire. » S'il avait su que depuis le début de la soirée, elle le manipulait, il ne le lui aurait pas pardonné. depuis qu'elle le connaissait mieux. Elle répugnait à passer à ses yeux pour une pourrie et voulait conserver son image de flic réglo qui joue franc jeu. « Il faut m'aider, Michel, ne me laissez pas couler. J'étais si content de vous avoir trouvé. »« Mais vous ne m'avez pas encore perdu, Biagio. » »« Je sais ne pas mélanger le boulot et l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un. » Le regard de Canepparo avait repris de la chaleur. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»« Rien. Collaborez, ne cachez rien, si vous n'avez rien à vous reprocher. Essayez de m'aider et je vous aiderai. » Vous n'avez vraiment rien à me dire, Biagio? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que je suis complètement étranger à tout ça? Je suis déjà suffisamment embêté, tellement que je me demande si je ne vais pas tout lâcher. Qui pourrait vous en vouloir pour avoir assassiné ou fait assassiner Anzilotti? Je ne vois pas. Même parmi les concurrents, il n'y a pas d'entreprise équivalente à la nôtre dans la région. Nous sommes trop spécialisés pour faire de l'ombre à qui que ce soit. Et il y a pourtant une explication, Biagio, sûrement. Si c'est mon arme qu'on a utilisée, comme je sens que vous le supposez, on va bien finir par trouver quelque chose chez moi, des indices, je ne sais pas moi. Il y a même quelqu'un qui est venu prendre mon fusil. Il faut passer ma baraque au peigne fin. Nous nous en occuperons, ne vous inquiétez pas. Ça aussi, on vous l'a dit par téléphone. Mais non, Biagio, arrêtez avec ça. La vérité, c'est que pour l'instant, nous n'avons que 3 suspects possibles, vous, Anna et Nadine. J'aimerais bien qu'on parle de cela. Pour moi, la mort d'Anzilotti ne change rien, sauf que je me retrouve seul avec l'entreprise sur les bras. Peu avant sa mort, Anzi avait décidé de passer la main. Nous en avions discuté et moi je n'étais pas partant pour diriger seul l'entreprise. Je comptais, et je compte toujours, m'arrêter. Anna, ce n'est pas la peine d'y penser, elle n'en a pas réellement les capacités. Avec Anzi, nous avions pensé confier la direction à Berthier. C'est un gars solide, intelligent, au courant des affaires. Anna y est férocement opposée. Pourtant Berthier pourrait même, grâce à la fortune de sa femme, nous racheter une partie des parts. Mais pour l'instant, nous n'avions rien dit à Berthier. Et Anna, qu'est-ce qu'elle y gagne? Ben, ses parts de bénéfices sont multipliées par 2, puisque de 20% elle passe à 40. Mais elle n'est pas aussi rapide que cela. Elle n'a pas d'enfant. Son frère est son seul héritier et elle a largement de quoi vivre confortablement. De plus, elle avait une réelle tendresse pour Anzi et de nous tous, c'est certainement elle la plus affectée, en tout cas plus que Nadine. Et Nadine, justement, qu'est-ce que ça va changer pour elle? Ah! C'est elle qui fait la plus belle opération. Elle va toucher 20% des bénéfices de l'entreprise, elle hérite de la maison, des terrains et de tout le tout-team. Pour elle, c'est un peu le jackpot. Mais elle est naïve, cette fille, molle, belle mais très molle. Je ne la vois vraiment pas en assassin. Il y a pourtant bien une explication. On n'assassine pas quelqu'un comme ça gratuitement, au hasard. Mais visiblement, le tour de la conversation ne convenait pas à Canepparo. Il revint aux pulsions qu'il avait en tête et s'enhardit à prendre la main de Pérez qu'il caressa du pouce. « Michel, c'est la première fois que je suis autant impressionné par une femme. Chez vous, je trouve tout ce que j'ai cherché toute ma vie. Et je vous jure que vous êtes la première à qui je dis cela. » Il avait réellement l'air sincère et Pérez en fut ému. Cela faisait tout de même un bail qu'on ne lui avait pas fait une déclaration d'amour.